On écoute, on en parle après. On en parle après, mais moi je trouve quand même que jamais le quintet de Phil Jones avait gravé à la Columbia 100 un LP aussi original. Hein. Oui. Et ce, grâce à l'apport de Benet Curtis et Joe Alessandro. Non, mais on écoute, on en parle après. Je précise pour la petite anecdote, ce soir-là, Joe Alessandro était grippé. Il était grippé. Et c'est David Guzman Senior qui l'avait remplacé à la trompette. Mais juste pour dire pour les jeunes qui nous écoutent quand même que le jazz, c'est pas réservé à une limite. Le jazz, c'est une musique populaire, c'est pour tout le monde. On écoute. On me fait signe que le disque vient de se finir. On va peut-être passer à la version 68 qui était sortie chez Blue Note. On en parle après ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce 8e épisode tant attendu de On s'écoute ça tout de suite, de bon matin. Bonjour. Oui, c'est un petit peu bizarre et un petit peu dur d'enregistrer du matin parce qu'on s'est levé il y a un petit peu plus d'une heure, mais allons-y. Hein. Un podcast qui sent bon le café et les croissants. Ah ouais, il y a des cookies aussi, tiens. Et des cookies. Bon, plusieurs choses dans cette introduction. D'abord, on voudrait remercier Juliette qui a réussi à trouver, avant de vous dévoiler notre thème, elle a réussi à le trouver. On avait mis des petits indices sur Facebook. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour Juliette? On va lui envoyer une photo. Un cadeau. Une photo dédicacée. De nous deux. Sur un arbre. C'est quand même vachement de chance. On va en mettre à d'autres petits trucs comme ça à trouver pour les prochaines émissions. C'est ta petite spécialité. Moi, je ne sais pas le faire. Mais on va y réfléchir pour vous faire gagner d'autres photos dédicacées. Je sais que vous en avez envie. Sinon, on est aussi sur Twitter depuis le dernier épisode. Depuis peu, ouais. Voilà, donc ça marche fort. On a déjà 15 abonnés. On a déjà plein d'amis. Ouais. Pas des amis sur Twitter. On s'écoute ça tout attaché, sans guillemets, sans cédite. On s'écoute ça. Si vous voulez suivre toute l'actualité de l'émission. Ou pas, hein, parce qu'on met pas grand chose. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être le thème? On y a mûrement réfléchi. Hein, et c'est Vincent qui a trouvé. Et je peux vous dire qu'on n'est pas peu fiers de ce thème. Alors, je sais pas trop comment l'expliquer maintenant. Ce sont les noms de groupes qui ont des noms de villes, d'États américains, de pays. Voilà, en prévision du bac, on s'est dit, pourquoi pas réviser en s'amusant bien. Ouais, c'est le bac de Géo. Le bac de Géo. Du coup, on va vous aider. Et je vous propose qu'on commence maintenant. Allons-y. Et d'ailleurs, c'est moi qui commence. Hein. On va commencer du coup par une musique super classe, parce qu'on a envie de commencer avec de la classe. Je veux dire, c'est le titre qui a lancé l'un des meilleurs groupes de rock anglais des années 90, celui qui a commencé la Britpop, bien avant les jeunes Blur et les encore plus jeunes Oasis. On pourrait parler, quand on voit le chanteur du Ziggy Stardust des 90s, ce sont les bien nommés Suèdes avec Animal Nitrate. On s'écoute ça tout de suite. Animal nights, right in the morning. Oh, in the On parlait de Britpop tout à l'heure, hein, on retient surtout leur passage en 93 au Brit Awards, qui selon quelques éminents spécialistes, hein, a vraiment lancé le mouvement. Je vous ai mis le live sur la page d'ailleurs, histoire que vous compreniez. Faut voir Brett Anderson, un chanteur, se déhancher sauvagement et sexuellement en chantant Animal Nitrate. C'est un peu le morceau emblématique de Suède, hein. Même s'ils en ont fait et font toujours d'excellents morceaux et de très bons succès commerciaux. Mais Animal Nitrate, c'est vraiment leur premier gros succès et on oublie rarement sa première fois. Le jeu de guitare et de Bernard Butler est vraiment, vraiment cool. Hein. Il se contente pas de suivre les accords, je sais pas si t'as remarqué, Vincent. Ouais. Il rajoute sa petite patte, hein, ses petits riffs à chaque couplet, pont, refrain. Et le duo Anderson-Butler, hein, aurait pu être un duo emblématique du rock, hein, comme Jagger, Richard, Stone et Charden, par exemple. Sonny and Cher aussi. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde et bien sûr Mac et Donald. Bon, t'es un peu paraître. Bon, des fois il faut savoir s'arrêter quand on fait une vanne. C'est le matin. Voilà, ça aurait pu devenir un grand duo du rock. Malheureusement, en 94, deux ans après la sortie de la chanson, Bernard se casse. Ah. Eh oui, c'est dommage. Mais Animal Nitrate, vous l'aurez compris, pour en revenir à la chanson un petit peu, parce qu'on digresse, mais c'est un jeu de mots sur le nitrate d'amyl, hein, aussi appelé poppers par le. Ah par le oui, mortel. Le poppers. Le refrain d'ailleurs, ça fait No it turns you on, no he has gone, and no it turns you on, and no he has gone, en référence à l'effet euphorisant très court du poppers, hein, Je sais pas si t'en as pris beaucoup, Vincent. Non, jamais. J'ai vu des gens prendre et ça m'a pas donné envie. Ça fait un peu cet effet-là. J'avoue, c'est ma propre interprétation. Hein. J'ai trouvé ça nulle part sur Internet des paroles. Ouais. Mais ça se tient quand même, non? Ouais, ça se tient. Bon, ça parle aussi, hein, de l'amour homosexuel. Brett avait déclaré au NMI d'ailleurs que lorsque les gens pensaient au gay sex, comme il dit, ils pensaient jamais romantically. Ouais, ouais, ça se tient. Hein. Même si la romance, le manque, la tristesse, c'était un truc juste d'hétéro en fait. Et si Animal Nitrate est assez violent, il y a entre les lignes beaucoup de tristesse, c'est ce que disait Brett Anderson. Je vous ai pas parlé du clip, mais allez jeter un coup d'œil, hein, il avait beaucoup choqué en 92. Ouais. Il est très spécial, mais bon, moi j'aime bien, c'est rock'n'roll. Bon, mon premier morceau, on part aux États-Unis avec America, hein, voilà. Et on va s'intéresser à leur premier album de 1971, justement nommé America. Donc America, c'est une pelletée de morceaux connus, mais j'ai choisi Or a Horse with No Name. Hein. Ça va vous rappeler des souvenirs, et même aux plus jeunes. Hein. On s'écoute ça tout de suite. Ah ouais. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la. Turn to see. There were plants and birds and rocks. ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Alors, gros succès hein, pour ce morceau, aussi appelé par les plus jeunes la musique de la pub Renault Modus, hein, comme on dit. Alors, quand je dis gros succès, c'est relatif, hein, parce qu'à la sortie, ça n'a pas marché du tout, je t'explique pourquoi. En fait, la première version de l'album, sortie en Europe et un peu partout dans le reste du monde, n'a pas vraiment eu de succès parce qu'il n'y avait pas ce morceau. Hein. Et donc, le producteur a réussi à convaincre le label de ressortir l'album avec cette chanson, et là, bim, carton plein, et en écrivant le morceau, il voulait donner une... À quoi ça tient? Eh oui, ça tient un peu de choses, hein. Et en écrivant ce morceau, il voulait donner une impression de chaleur, un peu comme c'était dans le désert, en plein cagnard, tu vois, sous une chaleur torride. Ça a assez bien retranscrit, hein. Et ce qui a pas mal contribué à donner du succès au morceau, c'est qu'il a été interdit dans quelques villes des États-Unis, soi-disant qu'en en argot américain, horse, c'était une référence à l'héroïne, hein, mais de toute façon, hein, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de références à l'héroïne dans le jargon américain, oh, c'est incroyable. Oui, oh oui. Et qu'est-ce qui se passe quand tu interdis un morceau de musique, hein? Et bah c'est un carton. Et bah tout le monde s'empresse d'aller l'écouter, hein. C'est le fameux effet Streisand, hein, comme on dit. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que le morceau a souvent été critiqué pour la simplicité des paroles. Par exemple, The heat was hot, la chaleur était chaude. Ah ouais. Ou, ça me fait penser à un titre de Charlie et Lulu. Oui, le feu ça brûle. Le feu ça mouille, le feu ça mouille. Bon, c'est pareil. Ou encore, il y avait And there were plants and birds and rocks and things. Ça veut dire, et il y avait des plantes, des oiseaux, des cailloux et des choses. Moi j'imagine bien le poème sur la 7ème de Johnny, tu vois. Et il y avait des plantes, des oiseaux, des cailloux et des choses. Avec la tête de Jérémy Morvan. Tout ça a vraiment existé, oui. Pour le prochain morceau, on va écouter MC5. Alors là, vous me direz, mais MC5, ah, mais c'est pas un bon dieu, c'est des lettres. Et bien si, parce que MC, ça signifie Motor City. Et qu'est-ce que Motor City? C'est Détroit. C'est Détroit, évidemment, la ville de l'automobile outre-Atlantique. Hein. C'est un peu leur Sochaux à eux. dans une moindre mesure, évidemment. C'est pas très flatteur, peu importe de quel côté, mais bon. C'est le titre emblématique, hein, de ces grands précurseurs du Peng de 77. Hein. Kick out the jam, motherfucker. On s'est écouté à tout de suite. J'ai rien contre les socialiens, hein. Je vous aime, c'est fou. Kick out the jam! Yes! Kick out the jam! I have to kick them out! Yes, I'm starting to sweat, you know my shirt's all wet, what I'm feeling. It's the sound that I bounce and be bouncing, be bouncing off the ceiling. You gotta have it, baby, you can't do it without it. When you get the feeling you got, sign them up with that mic in my hand, and let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick out. I'm Kick out the jam, mais pourquoi kick out the jam? Parce que donner un coup de pied dans la confiture. Exactement, ouais. C'est le message de la chanson. Bonne maman si tu nous écoutes. Non, la majorité des gens s'accordent à dire que c'est un message révolutionnaire, un breaking the law, tout ça. Sauf que on s'écoute ça tout de suite à mener l'enquête. À mener l'enquête, et en fait j'ai les boules parce que j'ai trouvé la même chose sur Wikipédia après. Ah, bah, quelle enquête, bravo. Ok. Ouais, j'avais un peu les boules. Non, mais il s'avère que d'après Wayne Kramer, c'est le nom du guitariste, et c'est quand même un nom de guitariste méga classe. Wayne Kramer, c'est, je suis désolé, c'est stylé. Et bah c'est pas du tout un truc révolutionnaire. En fait, pour la petite histoire, c'est que le groupe jouait tous les soirs à Détroit dans un club avec un autre groupe. Et vu que c'était un peu des branleurs, ils avaient l'habitude d'emmerder l'autre groupe quand ce dernier jouait sur scène. Donc ils criaient genre « Cassez-vous, kick out the jam !» En gros, arrêtez de jammer. Un jam, c'est un petit peu... Un bœuf. Un bœuf, voilà, pour les Anglais. Et puis la phrase est restée du genre « Bon délire entre potes, quoi !» Genre, ils ont inventé « Kick out the jam !»« Aïe, kick out the jam, mate !» Voilà. Et évidemment, ça a donné la chanson, hein, une des chansons les plus incandescentes du siècle. Alors, j'ai vu sur les Arock que... Que eux ils disaient Wikipédia, les Inrocks, dis donc, bien sûr, tu files un mauvais coton. Je suis désolé, attends, j'allais me moquer des Inrocks. Ouais, vas-y, vas-y. J'ai vu sur les Inrocks qui disaient oui, alors kick out the jam, ça signifie en fait, vous avez intérêt à faire un super concert ou sinon vous cassez. Ah, donc voilà, ça diffère un peu de la version de Wayne Kramer. Donc je suis plus qui croire. Je suis plus à croire Wayne Kramer qui a inventé la chanson plutôt que les Inrocks. Évidemment, vous imaginez bien qu'en 1969, un kick out de jam Motherfucker fut censuré. Évidemment, un Motherfucker, ça passe toujours limite en Amérique. Du coup, le groupe a été viré de sa maison de disques, hein, et la phrase sur le record a été remplacée par Kick out the jam, brother and sister. Ça fait très gospel, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, il y a plein d'anecdotes, hein, autour du groupe, hein, comme celle-ci par exemple, qui dit que MC5 a fondé. Excusez-moi, c'est le café. Sa propre religion, hein, le Zenta, dans un esprit révolutionnaire, cette fois un vrai, avec un nouveau calendrier et une programmation du nouvel ère, pour reprendre Burrow qui disait « Si vous voulez changer la société, il faut commencer par créer un nouveau calendrier et une nouvelle ère. » Twin Peaks ! Oh yeah ! Ouais, hey. Alors si vous écoutez cette émission et notre autre émission, vous saurez l'amour qu'on porte pour ce groupe, hein. On est d'ailleurs allé les voir il y a quelques semaines en concert, c'était très bien. Je me suis touché la belle avec depuis que le bassiste m'a touché le bras. Ouais, c'est un peu ça. Personnellement, je vous propose un de mes morceaux préférés, à savoir Baby Blue, hein. On s'écoute ça tout de suite. Yeah. Alors j'avoue tout, hein, cette fois pour cette playlist, j'y suis un petit peu allé au forceps parce que Twin Peaks, alors il y a certes la ville fictive dans Twin Peaks, hein, la série, la voilà, mais ce n'est pas à propos de ça, c'est surtout le nom d'un petit massif montagneux dans l'Utah, hein, dans un petit parc. Ça passe, ça, voilà, passe. Ça passe. Hein. Et c'est d'ailleurs toi qui m'as fait découvrir ce groupe il y a un an et demi déjà. Et... Une histoire d'amour. Et c'est très bizarre au début, on a l'impression que c'est juste une bande de branleurs qui vont à la plage, qui boivent des bières, qui draguent des filles, mais en fait leur son est beaucoup plus travaillé, voilà, c'est plus mature que ce que ça laisse transparaître, hein. C'est vraiment génial. Alors Twin Peaks c'est aussi pour moi avant tout leur second album, hein, Wild Onion, en 2014. C'est ce qui les a vraiment fait décoller. Le premier avait moyennement marché, je crois, je sais plus. Ouais, c'était un bon petit album de garage, voilà. Un peu. Et là, ils viennent juste de sortir leur troisième album il y a quelques semaines. Ouais. Et bon, je t'avoue, de ce que j'ai pu écouter, les nouveaux singles, je suis un peu moins emballé. Hein. Il y a une chanson Butterfly que j'adore exactement dans la veine. Justement, je crois que c'est Cadienne qui l'a écrite quand il était malade, justement, en Angleterre. Ouais. Et en fait, dans les derniers morceaux, il y a une petite touche country pour certains morceaux. Et la country, c'est pas un truc que j'apprécie particulièrement, j'avoue. Bon, alors moi, je vais pas m'étendre parce que j'ai l'impression de parler tout le temps de Twin Peaks, de toute façon. Donc, c'est très bien, allez écouter. Hein. Et lieu suivant, mon cher. Alors, c'est un lieu, hein, enfin. En fait, ils se sont inspirés du nom de leur rue. Attends, encore un petit peu trichouillé. Hein. Attends. Ni plus ni moins, leur rue s'appelait la Cypress Avenue. Ah. Mais leur nom est aussi celui d'un parc au Canada. Ah, leur vrai bon, ça nom passe, complet. Alors. Cypress Hill avec Illusions. On s'écoute ça tout de suite. Thank you. une introduction qui aurait ravi Shankar. Oh, bravo! Ouais! Oui! Oui! Ah oui! Non, mais plus sérieusement, trêve de plaisanterie. Le groupe est super connu pour son implication dans la légalisation de la Marie-Jeanne. Leur fameuse chanson, un hit from the bang, avec ce petit rituel qui consiste à amener un bant, à amener de 8 feet bang, excusez-moi pour mon anglais déplorable, oui, sur scène pour fumer dessus, hein, il est plus grand que le machin. Bon, le groupe est pas connu que pour ça, hein, bien évidemment. Déjà, il y a le flow assez particulier de Be Real que vous avez entendu là. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'il avait un flow particulier. Oui. Bon, le groupe est pas connu que pour ça. Hein. Déjà, il y a le flow assez particulier de Be Real, hein, vous avez remarqué. Puis le groupe est un précurseur dans le hip-hop. Hein. Le titre qu'on vient d'écouter date de 1995 et il figurait déjà sur leur troisième album. Donc ils avaient déjà trois albums actifs en 1995, c'est pas mal. L'instru est génial, hein, beaucoup plus sophistiqué niveau sample que ce que vous écoutiez, enfin que ce qu'il y avait à l'époque. Il y avait bien sûr les productions de Dr. Dre, un peu plus funky, mais là ça va chercher un peu plus loin avec... Ça c'est chiadé, ouais. Ouais, avec il y a le Las Vegas Tango, hein, de Gary Burton, hein, vous aurez tous reconnu. Le Summer Song du saxophoniste John Klemmer. Mais oui, j'ai reconnu aussi. Reconnu. Et bien sûr, I'm Just a Rock'n'Roller de Dalton et Dubarry. Pour la petite anecdote, il était grippé ce soir-là. Oui, oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est Abraham Lincoln qui le remplace au saxophone. Exactement. Non, il y a bien sûr I'm Just a Rock'n'Roller de Dalton et Dubarry. Vous allez me dire, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Et si, parce que le breakbeat, hein, le pou-pouch, pou-pouch, est samplé de cette chanson-là. C'est vous dire, hein, c'est le travail qu'il y a sur le morceau. On le doit à DJ Mug, je crois, un très très bon DJ. Alors ça, le précise, c'est vraiment un groupe à part, hein, même au niveau visuel de leur album et de l'imagerie du groupe. Vous regardez par exemple la pochette de l'album, on dirait un disque de métal. Et d'ailleurs, de tout leur album, on dirait des disques de métal, c'est assez drôle. D'ailleurs, ils ont pas mal bossé avec des groupes de rock, hein, genre les Deftones ou Rage Against the Machine. Exact. Ils ont même joué une chanson en live avec les Velvet Revolver, je sais pas si vous vous souvenez de ce groupe. C'était 2002-2008, je crois, c'était le groupe de Slash après les Guns, Slash Next Pit. Et Scott Weiland, hein, qui est mort il y a pas longtemps, on m'embrasse sa famille, c'était un gros camé. La chanson s'appelle Rock Superstar, et je vous invite à aller la voir, c'est vraiment marrant, solo de Slash et flow de Be Real. Bon, on continue avec un groupe de Boston, hein, le bien nommé Boston, hein, justement, avec un de leurs plus grands morceaux, grand morceau, hein, d'ailleurs le premier morceau du tout premier album, hein, Boston, le premier album, encore une fois. On va s'écouter More Than a Feeling, hein, sentez la vibe de ce morceau, on s'écoute ça tout de suite. We'll be right back. I hide in my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. Alors More Than Nothing, c'est la quintessence des années 70, hein, cet album. C'est quelque chose parce que selon la rumeur, c'est le premier album d'un groupe qui s'est vendu le plus rapidement dans toute l'histoire de la musique américaine. Hein. 41e meilleur premier album hein, sur 100 dans le classement du magazine Rolling Stones. Album placé à la 3e place du meilleur premier album de tous les temps selon les lecteurs. Hein. Bon, alors ça veut tout et rien dire ce genre de classement, mais quand même, hein, ça en dit long sur la postérité et l'amour du public hein, pour cet album. Album qui s'est vendu à 15-20 millions d'exemplaires, ce qui est quand même pas trop mal hein, pour un album. Un succès que l'on doit aussi pour la qualité des arrangements et des compositions, hein. C'était très très propre pour l'époque et c'est d'autant plus remarquable puisque l'album c'est un album maison, c'était enregistré dans le studio personnel de Tom Scholz, hein, le guitariste. Mais c'est surtout aussi grâce à la voix de Brad Delp, hein, The Man with the Golden Voice comme on disait à l'époque. Mais il s'est malheureusement suicidé en 2007. Hein. C'est toujours des soucis. Les chanteurs ont un souci. C'est une malédiction. Des grands angoissés. Ah oui. Et ce qui revenait à l'époque aussi, c'est que c'était vraiment des morceaux taillés pour la bande FM. Hein. C'était un mélange subtil de guitare électrique, acoustique. C'était vraiment fait pour passer à la radio, quoi. Et même les parents donnaient l'autorisation à leur enfant d'écouter Boston. Hein. C'est surprenant parce que le hard rock, c'était pas forcément la cote chez certains parents à l'époque. Mais c'est clair que le groupe a laissé sa place dans l'histoire et ils ont influencé pas mal de monde. Un des plus connus, ce cher Kurt Cobain, hein, qui était un gros fan de Boston. Tu veux dire le même Kurt Cobain qui reprenait Jenny Oui, exactement. Mais vous êtes Kurt Cobain de chez Kurt Cobain. Oui. C'était un gros fan de Boston durant son adolescence. Et c'est grâce à ce morceau, More Than a Feeling, dont le riff... Ouais, c'est vrai. Il a repris, il s'est inspiré de ce riff pour faire Smell Like Teen Spirit. Comme quoi, il n'y a rien qui arrive au hasard dans le rock. Hein. Top, petite ville du Somerset en Angleterre, mais aussi groupe mondialement connu. Je suis composé de 5 membres. Mon vocaliste est une femme et mon plus gros succès est basé sur un sample d'Exact Eyes, considéré comme un des meilleurs groupes de trip hop. Je suis originaire de Bristol. Je suis Portiched. Bravo Vincent. C'est un 4 à la suite. J'ai aucun mérite, c'est devant mes yeux. On se Portiched avec Rhodes. On s'écoute ça tout de suite. Thank you. this moment, how can it feel this wrong? Sympathique, un petit Portishead de bon matin. Ouais, c'est un petit peu trop calme même. Ouais, je pense que je vais aller me refaire une grande tasse de café. Ah oui. Outre Glory Box, hein, que tout le monde connaît pour son côté sensuel, il y a plein de bons titres. Hein. En fait, tout l'album demi et le premier album du groupe est absolument génial. Hein. Les autres, bon, j'avoue, je les ai un peu moins écoutés, mais c'est vrai qu'ils sont pas mal. C'est une musique assez expérimentale, hein, et pourtant, ils ont connu un énorme succès, à tel point que la chanteuse, Bev Gibbons, cette magnifique voix, elle refuse maintenant de donner des interviews pour se protéger de la pression des médias, dit-elle. Oh, fais ça, diva. Dit-elle dans une interview. Oui. Ah oui, et puis cette petite anecdote, hein, qui est sympa, qui dit que le groupe tient son nom de la ville dont est originaire Jeff Barrow, hein, la tête pensante du groupe. Bien qu'il déteste sa ville, allez comprendre, hein, c'est comme si toi tu t'appelais Bip, je m'appelais Bip. Bip. Ouais, et donc, tu détestais Bip, par exemple. Allez comprendre. Hein. Non, le groupe s'est formé à Bristol, hein, comme Massive Attack et compagnie. Et c'est drôle parce que le trip-hop, c'est un genre musical très géographique. C'est pour ça que j'ai tenu à parler de Portishead, hein, puisqu'il est dans ce podcast sur la géographie. Puisque tout le mouvement est centré sur Bristol. Alors c'est vrai qu'après, Björk a utilisé du trip-hop, machin, truc. Mais c'est vrai que tout part de Bristol. C'est vrai que la ville, elle a pas eu de grand nom du rock. Hein. J'ai cherché un petit peu. Il n'y a pas vraiment eu de grand groupe, alors que d'habitude, chaque cité anglaise a au moins son gros groupe son de rock. Groupe, hein. Ouais. Même des petites villes ont des super groupes. Et du coup, elle a pris une brève revanche avec ce mouvement trip-hop qui, quand on dit trip-hop, on pense forcément à Bristol. Bon, on va se réveiller un peu avec Garbage. Alors, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas un lieu du tout. Eh ben, j'ai cherché. Et si, en fait, c'est bien un petit quartier au nord du Caire, en Égypte. Voilà, donc voilà. C'est également un excellent groupe de rock alternatif que j'aime beaucoup, hein, surtout leur album version 2.0, sur lequel on va s'écouter I Think I'm Paranoid. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Un groupe porté par le charisme de la chanteuse, hein, disons-le, hein, Shirley Manson, hein, probablement l'accent écossais le plus connu de la scène rock alternative américaine. Hein. Ouais. Bon, j'ai pas trouvé grand-chose à dire, hein, sur le groupe. Hein. En fait, c'est la vie classique d'un groupe, hein, les premiers albums fulgurants. Je vous conseille le deuxième, personnellement, version 2.0, hein, qui va un petit peu plus loin dans les sonorités. Parce qu'ils aiment bien bitouiller le son, hein, et ça s'entend, hein, sur le morceau que vous venez d'entendre, et sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Ils avaient squatté une vieille usine de bonbons désaffectés où ils avaient foutu une batterie, pour la réverb et tout, mmh. Et jusqu'à ce que les gens se plaignent du bruit, que la police s'en mêle, donc ils ont pas pu tout faire ce qu'ils voulaient, mais c'est voilà. C'est des rebelles. Ah, c'est des rebelles, mais si vous tendez bien l'oreille, ce sont des samples de batterie qui sont joués en sens inverse. C'est pour ça que ça leur donne un son assez bizarre au début du morceau. C'est un son un petit peu étouffé que j'aime beaucoup. Bref, comme je disais, vite groupe classique et un premier bon album. Puis après, il y a les tensions qui apparaissent, il y a une pseudo-séparation. Puis au final, on se remet ensemble, puis on sort un album, on repart en tournée, voilà. Et ça fait 20 ans que ça dure, hein. Ils ont fêté l'année dernière leurs 20 ans et... Ajoutons à ça quelques awards bien sentis, hein. Et justement dans le groupe on retrouve le batteur qui s'appelle Budge Vig, et tu sais que on y revient justement, producteur de l'album Nevermind de Nirvana. Il a produit tellement de trucs, ouais, mais voilà, sur un CV ça fait toujours plaisir de voir producteur plein, de Nirvana, plein de bons albums, hein. Ouais, voilà, donc rien que ça, hein, donc c'est un mec qui a pas mal de bouteilles derrière lui, hein, voilà. Alors là, pour le prochain morceau, un combo géographie, deux pays, une chanteuse, deux pays, hein, on a pas fait mieux depuis, on n'a jamais fait mieux, en fait. Non. Elle nous interprète, Céterlin, c'est une chanteuse française, bien sûr. Merde. On est en 1966, mesdames et messieurs. France Gall, on s'écoute ça tout de suite. Oh, merde. Quand ils sont longs, les jours de pluie, quand je suis seule, quand je m'ennuie, les copains, on va à la boum samedi, ouais. C'est chez Jean-Thierry, il y aura du spritz. Bon, pour ne rien vous cacher, j'ai découvert cette chanson, hein, dans un sketch du Palmacho qui s'appelle Départ en vacances. Il y a cette musique en fond et en fait j'ai trouvé la partie d'orgue complètement démente, personne dit démente, si ça va, ça complètement passe. Démente, du coup j'ai cherché un peu et puis je suis tombé là-dessus. C'est terre là, hein. C'est le fameux sketch où il dit on va au Cap d'Agde, Françoise, j'ai hâte de vous voir à poil. Ouais, je me souviens. Allez, on danse. Les Anglais appellent ça de la French pop, hein. Et c'est vrai que pendant les yéyés, les Français sortaient beaucoup de bons titres, hein, notamment des trucs composés par Gainsbourg. On se souvient bien sûr des sucettes, poupées de cire, poupées de son pour France Gall, sur la scène de Zerdsoul, hein, qui mériterait une émission à part entière. Et Rose Beef passe des trucs Frenchy un peu oubliés, genre la fermeture éclair de Delphine. Paul Simonon, le bassiste, ouais, des Clash, qui fait le DJ des fois, disait dans Rock and Folk il y a pas longtemps que il adorait cette chanson et qu'il la passait souvent quand il faisait ses DJ sets. Ou bien Clotilde, hein, fallait pas écraser la queue du chat. Oh, putain, très très bon. Bon, devant la demande générale, hein, je vous ai fait une petite playlist dans la playlist. J'adore les noms. Ouais. De pop sympathique, hein, parce que j'ai écrit ça en deux mots. Française des années 60. Alors, il y a bien sûr Jacqueline Taïeb, 7h du matin, que vous connaissez tous. Oh oui, peut-être. Il est 7h du matin, que c'est dur de se réveiller. Oh non, quelque chose ça. Comme Talking Pat Mat. Ouais, je vois. Voilà. Il y a Ronnie Bird, un très grand chanteur oublié français avec Tu perds ton temps. On a Isabelle avec Amstram Gram. Et bien sûr, moi j'adore Les fleurs de pavot. Pourquoi l'amour à deux? Je vous conseille, si vous avez envie de creuser un petit peu et pour bien commencer, les excellentes compilations Wiz compilées par JBJ Lou chez Born Bad Records, un des meilleurs labels français actuels. Et voilà, c'est tout pour moi. Allez, on part en 1981 avec Styx. Hein, Styx qui est, outre être le fleuve qui sépare la terre des enfers, hein, j'ai encore un petit peu triché, c'est également un groupe de rock américain bien connu. J'ai choisi Too Much Time On My Hands. On s'écoute ça. Yeah. Alors Styx, hein, c'est le bon vieux hard rock tel qu'on le savait faire dans les années 70, mais là je t'avoue qu'avec un morceau sorti en 1981, on est un petit peu plus... On penche du côté de la New Wave, avec ce petit synthé, voilà. Synthétiseur. D'ailleurs, ce qui est drôle avec cet album, Paradise Theater, hein, c'est alors gros carton, hein, numéro 1 des ventes, hein, mais il faut savoir qu'il y a eu tout un battage médiatique autour, notamment pas mal de groupes religieux de droite, notamment aussi la femme d'Al Gore, hein, qui dirigeait un comité qui surveillait un peu... surveillait un peu quel groupe, quelle musique était à déconseiller aux enfants ou non, hein, selon le contenu des chansons, c'est les thèmes, drogue ou pas, sexe, violence. Donc, quel motif d'accusation ? Attention pour ce groupe, le backmasking. Alors, mon cher Noé, est-ce que tu sais que le backmasking. C'est quoi le backmasking ? Tu connais pas le backmasking ? Non. Je connais le bal masqué des compagnies créoles. Mais exactement, mais c'est le fait en fait de délibérément enregistrer des sons ou des messages à l'envers sur une piste musicale. C'est-à-dire que si vous écoutez un morceau à l'envers dont les auteurs ont fait du backmasking, si vous écoutez ce morceau à l'envers, normalement vous pouvez entendre des phrases ou des. Comme le fameux enregistrement de Led Zeppelin. Exactement, où les Beatles ont beaucoup joué là-dessus aussi. Allez voir par l'album blanc à l'envers. Exactement, on entend des trucs sur les gens morts et tout. Donc allez voir sur YouTube. Police Dead. Exactement. Et donc dans le cas de ce groupe Styx, ils étaient accusés de par les chrétiens de cacher des messages sataniques dans leurs chansons. Hein, ça fait de la pub. Ça. Si on les écoute à l'envers. Oh oui. Et par exemple si on écoute un de leurs morceaux à l'envers, apparemment Snowblind, on peut distinguer le message Satan moves through our voices. Satan parle à travers nos voix. Et c'est ce qui a causé, enfin cette mésaventure médiatique, hein, qui a un petit peu apporté le succès aussi encore plus à Styx. Et le comité dont je te parlais de surveillance des morceaux, des conseillers aux enfants, et ben c'est ce lobby qui a obtenu le pouvoir, le droit de mettre le petit label Parental Advisory sur les albums. C'est comme ça que tout a commencé en fait ce petit label. Un petit tour hein, du côté de la Californie avec un groupe de New Wave au nom des plus européens, parce que pour la petite anecdote, hein, la ville qui représente au Monopoly Europe vaut 350 €, hein, c'était la deuxième ville la plus chère avant Paris. Ouais. Ouais, c'est quand même la classe, si tu mets un hôtel là-dessus mon pote. Berlin avec A Matter of Time, on s'écoute ça tout de suite. Steal your hopes and dreams. connaissez sûrement le groupe sans le savoir, hein, puisqu'en 86, 6 ans après la chanson qu'on vient d'écouter, ils vont interpréter un tube mondial. Tu sais ce que c'est, Vincent ? Non. C'est le fameux Take My Breath Away de Top Gun. Et oui, c'est eux, c'est leur seul grand succès. Bon, vu que j'ai pas trop d'anecdotes sur Berlin, j'en profite pour faire une petite mention honorable, puisqu'on approche de la fin de l'émission. Oui. Des groupes qui auraient pu participer dans cette émission, mais qui n'ont pas participé. Mon Dieu, j'ai écrit émission avec un T. Tuez-moi, s'il vous plaît. Oui. On a alors tout d'abord Kansas, hein, qui vient d'arriver. Kansas, j'ai hésité, mais bon. On a, Texas, bien sûr. Hein. On a les Bay City Rollers, hein, dont Malcolm McLaren voulait que les Sex Pistols soient les concurrents au début. Un petit groupe de pop sympa, il disait « Ah, faut que je fasse un groupe comme les Bay City Rollers ». Il y a Japan. Japan, il y a Asia. Asia, il est dans ma liste, hein, puisque ma liste est exhaustive. Oui. Je plaisante. Elle est exosquelette. Non, c'était pas obligé, ça. Il y a les New York Dolls, dont vous entendrez sûrement parler dans très peu de temps. Ouais. Il y a les LA Guns, hein, qu'on connaît après Slash et Axel Rose, hein, qui ont sorti des chansons assez marrantes. Enfin, assez clichés, en fait. Il y a les Nashville Pussy, hein, les fameux vagins de Nashville. Oui, ouais. Il y a Ohio Express, oui, hein, qui pourrait être comme le Poudlard Express, mais dans l'Ohio. Il y a l'Alabama. Ouais. Ah ouais, mais Alabama. Il y a Antarctica aussi. Antarctica, exactement. Il y a Europe, hein. Europe, The Final Cut Down. Ouais, ça, j'ai vraiment pas voulu. Non, pareil, non, Europe, c'était fini. Et il y a aussi ce petit groupe canadien qui est très sympa et qu'on aurait vraiment pu mettre. En fait, c'est en faisant cette liste que j'y ai repensé et c'était un petit peu trop tard. C'est Metz. Metz, oui. Un bon petit groupe de rock indé. Metz, je crois qu'on dit Metz. Metz. Ouais. Voilà, les Metzins, qu'on embrasse d'ailleurs. On embrasse. Voilà. L'Est de la France. Ça fait plaisir. Hein. Content de vous revoir en Ligue 1 l'année prochaine. Et puis voilà. C'est l'occasion rêvée pour moi de vous proposer un petit morceau de Phoenix, un groupe que j'adore particulièrement. Alors j'ai longuement hésité sur le morceau. Est-ce que je prends Fences? Est-ce que je prends Lasso? Est-ce que je prends Liz Toumenia? Mais oh, trop cliché. Et ben non, je me suis penché sur le dernier album, Bankrupt, je sais pas comment on le dit, de 2013, et j'ai donc choisi Trying to be Cool. C'est oui. L'album avec la pêche, c'est ça. La pêche en D'accord. grand comme ça. Donc on s'écoute Trying to be Cool, on s'écoute ça tout de suite. Alors certes, Phoenix c'est en Arizona, mais Phoenix c'est avant tout un groupe de Français, hein, des petits gars de chez nous, hein, des Versaillais pour être précis. Alors cette chanson, c'est un peu l'histoire de ceux qui veulent paraître cool, un peu se faire remarquer par les autres, même si le chanteur est catégorique au final, être cool c'est chiant. Et justement, je suis allé voir sur Genius, ah c'était bon ça. Je suis allé voir sur Genius... On va se retrouver dans le bêtisier. Ouais, carrément. Je suis allé voir sur Genius pour voir ce qu'il disait un peu sur le morceau, et dans les commentaires, un mec disait en gros, hein, désolé je vais être un peu vulgaire, mais en substance c'est ça, arrêtez la branlette, arrêtez de vouloir trouver des significations dans les morceaux, ceux qui écrivent des morceaux prennent juste des mots au hasard dans le dictionnaire et les mettent bout à bout, arrêtez la surinterprétation. Des fois, j'ai un peu tendance à penser que c'est vrai. Hein. Des gens essayent de chercher des significations. C'est drôle parce que dans MC5, ah ouais, justement, à un moment, il parle d'une nana qui s'appelle, je sais plus quoi, Suzy, je crois. Ouais. Et tout le monde disait, mais c'est qui et tout. Et en fait, c'est juste parce que ça rimait avec Frenchie. Ah ouais, donc faut arrêter de voir des significations partout. Alors, Phoenix est resté relativement un groupe pour initier. Hein. Il y a bien eu If I Ever Feel Better, hein, qui a été un gros succès. Mais il a fallu attendre 2009 avec leur album Wolfgang Amadeus Phoenix et le fameux List Many pour asseoir leur renommée. Et en fait, paradoxalement, j'ai l'impression que le groupe était plus connu aux États-Unis qu'en France, parce que probablement parce que Phoenix a participé à pas mal de BO de films, dont l'excellent Lost in Translation. Tu te rappelles de ce film? Ah oui, avec Bill Petit Mur. Bill Murray et Scarlett Johansson. Et c'est d'ailleurs grâce à cette collaboration que le chanteur Thomas Mars, parce que je suis français, hein, va rencontrer la réalisatrice Sofia Coppola, avec laquelle il va se marier plus tard. Comme et quoi, il va copulé. Bon, mais en tout cas, voilà, le groupe apparaît dans un paquet de BO, de films et de séries. Et d'ailleurs, petite anecdote, un des guitaristes, Laurent Brankowitz, avant de rejoindre son frère, Christian Mazalet dans Phoenix, il était au début des années 90 dans un petit groupe qui a pas fait long feu, un groupe qui s'appelait Darling. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? C'était pas avec... Vas-y. Daft Punk. Eh oui, Darling, peut-être que tu connais. Hein, donc dans ce petit groupe, trois membres, donc Laurent Brankowitz et un certain Thomas Bangalter et un certain Guy Manuel de Onem Christo. Hein. Et quand le... Ouais, et quand le groupe a splitté, bah, ces deux derniers ont créé, vous connaissez peut-être, un petit groupe qui s'appelle Daft Punk. Hein. Et au final, maintenant, entre Phoenix et Daft Punk, c'est une longue histoire d'amitié. Et des fois, ils s'invitent l'un et l'autre sur scène. C'est assez rigolo à voir. Pour ma dernière chanson, puisque oui, ma dernière chanson, on arrive à la fin. J'ai choisi de partir sur un sujet léger. J'ai pris un sujet, c'est la religion. Ah, bien. Voilà, parce que j'ai envie de placer cette citation de Mark Twain que j'ai vue l'autre jour qui est assez marrante, c'est « La religion est née quand le premier escroc a rencontré le premier naïf ». Voilà, c'est là-dessus. Ça clash, genre. Qu'on s'écoute Nazareth avec Love Hurts. On s'écoute tout de suite. Ah! Nazareth, hein, qui, comme vous l'aurez compris, est, le, est une ville. Hein. Ouais. Ah, Love Hurts, c'est une reprise. Hein. En fait, au départ, ce sont les Everly Brothers, les fameux Everly Brothers, à qui on doit une flopée de chansons que tout le monde a repris, qui l'ont enregistré en 1960. Hein. Mais les Écossais de Nazareth en ont fait une balade, là où l'original était plus country, genre « Love Hurts, doudou, love, love, doudou ». Oui, tout à fait. ça sera un carton, hein. Ce sera le seul du groupe Nazareth, d'ailleurs, hein, qui n'avait pas une grande originalité, hormis sur cette chanson bizarrement à la voix éraillée, hein, ces espèces de cordes vocales passées au papier de verre, hein, ouais. Au papier Rappé, de verre, avec après du mazout, tu vois, pour ouais. bien. Et on finit avec une bonne coulée en béton. Et tu vas trop loin, j'arrive pas. Et bien sûr, deux paquets par jour. Ça, c'est important si vous écoutez. Deux paquets par deux jour. Deux paquets par jour. Avec modération. Avec modération. On aurait pu les mettre dans les One Hit Wonder d'ailleurs. Oui, dernière oui. émission. Exact. Mais on a voulu vous les garder de côté parce que la géographie avant tout. Parce que c'était pas prévu. Bon, tout le monde ou presque a repris ce titre depuis. Hein. Même Roger Daltrey l'a fait à la guitare acoustique tout seul. Roger Daltrey à la guitare. C'est quand, même, c'est quand même des antonymes. Et Jim Capaldi de Traffic aussi l'a repris. D'ailleurs, ça a fait, je crois, un numéro 1 en Angleterre ou au moins un top 5 en Angleterre. Nazareth tient son nom, comme je vous le disais, de. De la ville. Eh ben non, pas du tout en fait. Ça vient des paroles d'une chanson de The Band qui s'appelle The Weight et qui commence par I pulled into Nazareth. Bim, un nom de groupe. Oui, ça va être la fin de cette émission. Oui, c'est la fin de cette émission. Il reste encore un morceau, mais. Il reste encore un morceau, mais vous connaissez maintenant la petite tradition, hein, ouais, on oui. fait l'intro du morceau avant. Pour cette fin d'émission, d'abord je voudrais remercier Cornelius Zira hein, qui nous a fait un petit cadeau. Surtout toi, hein. Surtout moi qui m'a envoyé le. Par MP3 bien sûr, hein, le vinyle des Fêlés. Oh. Et qu'on vous passera sûrement très bientôt avec la chanson géniale Dans mon lycée hein, qui vous rentre dans la tête au Bart Picker et qui vous ne quitte plus pendant un mois. Et les vrais seront. notre prochain thème. Je sais pas. On a des petites idées sympas. Petites idées, mais est-ce qu'on fait du classique? Je pense qu'on fera un peu plus classique. Cette fois on était un petit peu plus foufou, mais un petit peu plus classique. Peut-être qu'on viendra peut-être dans un mouvement. Ouais, aux fondamentaux. Aux fondamentaux, voilà. Twitter du coup, @ on s'écoute ça, tout attaché. Ouais. Facebook.com/ on s'écoute ça tout de suite. Voilà, facebook.com/ on s'écoute ça tout de suite. Podcloud. On s'écoute ça tout de suite. Podcloud.fr. Voilà. Et bien sûr, Podcast Addict, le flux RSS. On s'écoute ça tout de suite. Podcloud.fr/RSS. Et voilà. Je connais tout. Tu es parfait. Et puis merci aux gens qui nous écoutent. Je pense à Milou qui est à fond. Hein, c'est vrai, très sympa le FMI. Hein, j'adore le sport. Et il n'y a pas assez de sport dans le podcast, je trouve. Alors, ah ouais, ça fait plaisir. Ah, falloir. Quand il écoutera ça, il répondra, je pense. Donc merci à Oasis qui nous a donné l'idée de la petite intro qui parlait de nous sur Twitter. C'était très très exactement sympa. Oh, comment on se touche les tétons, t'as vu là? Oh là là. Bon, bref. Arrête, Vincent. Ça va être à moi de terminer cette émission avec un morceau un petit peu spécial, hein, puisque on sort de la planète Terre hein, carrément. Et on va voir plus grand avec une galaxie, une autre galaxie, la galaxie M83, hein, comme on le sait tous. Hein, voilà. Bon, je vais vous importuner avec des infos assez basiques, mais bon, c'est bien de rappeler ça à tout le monde. C'est une galaxie spirale de type SABC, hein, bien sûr, située dans la constellation de l'Hydre femelle, hein, découverte le 23 février 1752 au Cap de Bonne-Espérance par l'abbé Nicolas-Louis de Lacaille. Mais bon, tout le monde le sait, hein, désolé de revenir sur des bases comme ça, mais ça me semble important pour continuer. Mais M83, c'est également un groupe de musique électro-français, hein, pas mal connu surtout aux États-Unis. C'est marrant cette propension qu'ont ces groupes français à être connus. Tu veux dire qu'avec Phoenix, ouais, ils sont connus surtout aux États-Unis, mais moins en France. Mais bon, c'est surtout via alors c'est une single Midnight City qui fut choisie comme générique pour la Coupe du Monde il y a 2 ans. Hein. Ça passait au début et à la fin de chaque match. Donc forcément, ça aide. Du monde au Brésil, que de souvenirs. Et là, on va s'intéresser à l'album de 2011, hein, Hurry Up We Are Dreaming, hein, l'album de la consécration, hein, très très acclamé, et particulièrement le morceau The Bright Flash sur lequel nous allons nous quitter. Un morceau que vous connaissez peut-être si vous regardez les vidéos de PewDiePie, hein, voilà, ça c'est le petit point pop culture. Et aussi, c'était dans le film Chronicle, hein, le film de super-héros qui est sorti il y a quelques années. Ah oui, et comme un peu le projet Blair Witch là, en caméra à l'épaule. Exactement, c'était un film footage. Donc c'est un morceau à la fois brutal, planant, éthéré, énergique. Hein. Donc on vous remercie, on vous dit au revoir. Au revoir.